On va parler avec Raymond Poirier comme chaque lundi pour sa chronique technologie d'information. Bonjour Raymond. Bonjour Jessica. Aujourd'hui, on fait un retour sur la GIC 2015 qui a eu lieu il y a 2 semaines, un gros rassemblement d'acteurs de technologie d'information de Québec. Plus de 1600 participants quand même. Exactement, un gros événement. Et évidemment, l'objectif de ces événements-là, c'est beaucoup d'amener de la réflexion auprès d'acteurs du milieu des TI, d'acteurs à différents niveaux, évidemment. Et cette année, la thématique, c'était liée au changement organisationnel. Donc, de quelle manière nos organisations devraient subir un impact face aux TI, et de manière peut-être un peu plus accentuée, de quelle manière devraient-ils réagir à cet impact et de quelle manière devraient-ils repenser leur façon de faire pour être peut-être un peu mieux préparés à affronter tout ça. Et évidemment, il y a quand même pas mal de conférences au fil d'une journée, c'est toujours assez bien rempli. Alors, le flot de réflexion qu'on en retient est un peu lié aussi aux conférences qu'on a été chercher. Et de mon côté, j'ai vraiment plus axé sur l'Internet des objets d'un côté et de l'autre côté sur les applications mobiles et en parallèle, évidemment, les changements portés par tout ça. Première conférence, c'est Alan Dunvey de chez Microsoft qui, lui, parlait de l'Internet des objets. Évidemment, Jessica, c'est une thématique, je pense, qui revient de temps à autre dans les chroniques. C'est le sujet de l'heure. Et c'est un sujet qui semble s'imposer de plus en plus comme un incontournable. Le conférencier nous mettait en lien au départ en nous rappelant que c'est pas un sujet qui est nécessairement nouveau. On parle quand même de systèmes de capteurs, de systèmes interconnectés, de systèmes de systèmes. C'est pas nouveau, mais en même temps, on ne sait pas encore exactement ça va être quoi la vraie définition de l'Internet des objets. L'idée, de manière générale, donc, c'est que tous les objets qui nous entourent peuvent être connectés, certains le sont déjà, et donc de quelle manière on peut tirer profit de ces interconnexions-là et de quelle manière on peut organiser ces interconnexions-là pour bonifier nos manières de faire. Exemple, en matière de circulation, donc l'idée que si les autos sont elles-mêmes connectées, bien, peut-être qu'on peut avoir un trafic un peu plus intelligent en lien avec les lumières qui seraient aussi connectées, en lien avec d'autres indicateurs, etc., etc. Et donc, de manière générale, ça implique l'idée d'aller chercher des données, de les transporter, de les insérer dans des systèmes et, évidemment, éventuellement, de les stocker. Et chaque zone a son lot de problèmes qui sont liés. D'accord. Mais pour ces objets, tu parles des autos. Est-ce qu'il y a d'autres objets qui sont ressortis, justement, pour pousser cette innovation un peu plus loin? Bien, tout peut être connecté. En fait, on a déjà des éléments qui existent. Les automobiles en sont un bon exemple, mais il y a les thermostats connectés qui sont aussi de plus en plus en vogue. À ça, on peut rajouter les téléphones intelligents qui sont eux-mêmes des objets connectés. Et éventuellement, il y a les frigos connectés, les pannes de lait connectées, les fourchettes connectées. Donc, c'est vraiment at large, là, si tu me permets l'anglicisme. Et c'est une révolution qui a lieu au moment où on se parle, en fait, dans la mesure où il y a des initiatives qui sont lancées, des initiatives parfois à faible coût, parfois à coût un peu plus élevé, et nécessairement, ça, toutes les analyses indiquent que ça risque d'être la prochaine grosse révolution, si on peut dire, dans la sphère des technologies de l'information. Pour l'instant, la question, c'est de voir un peu de quelle manière on peut le rentabiliser, qu'est-ce qu'on peut faire avec. Donc, aller capter des données, oui, ça peut être intéressant, mais l'idée, c'est de voir de quelle manière on peut utiliser ça, par exemple, pour servir de passerelle entre des objets, entre des systèmes, de rendre les données peut-être un peu plus utilisables, d'être en mesure de bien les visualiser pour aller tirer, justement, le potentiel de ça, un potentiel qui pourrait s'exprimer de manière très, très large en milliards et milliards de dollars, évidemment, au point de vue économique. Et je parlais d'explosion tantôt, je te donne l'exemple précis. Là, on avait en 2003 à peu près 6,3 milliards d'êtres humains sur Terre, 500 millions d'objets connectés. En 2015, on est 7,26 milliards d'humains sur Terre et il y a 25 milliards d'objets connectés. Wow! Ah oui, donc beaucoup plus que nous. Oui, exactement. Un grand renversement là-dessus. Il y a eu une autre conférence aussi que tu as suivie avec Jean-Marc De Jong de la Presse Plus. Tu peux revenir un petit peu là-dessus? Oui, mais en fait, c'est que ça nous fait faire un petit parallèle dans la mesure où, d'un côté, on parle d'Internet des objets et on se dit, OK, il faut se lancer maintenant parce que nécessairement, il y a différents modèles d'affaires qui sont appelés à être intégrés en lien avec ça. Donc, l'idée d'utiliser, les logiciels comme service, comme plateforme, de repenser un peu la manière dont on négocie, si on peut dire, autour de ça. Et c'est toujours intéressant de voir des exemples un peu plus formels s'exprimer. L'exemple de la conférence de Jean-Marc De Jong est assez parlante là-dessus, dans la mesure où il vient nous parler un peu du développement et son travail sur la Presse Plus, un projet qui est quand même débuté en 2010, qui a été lancé quelques années plus tard, et où, justement, il avait identifié notamment un grand défi qui était celui de l'adaptabilité technologique. Parce que dans la mesure où si je lance un projet techno présentement, on s'entend que dans 6 mois, si j'ai pas fait évoluer ma manière de faire, mais il y a quand même un bon risque, surtout quand on parle d'applications mobiles, que l'évolution technologique soit rendue plus loin que le projet que j'avais initialement lancé. Mm-hmm. Et puis, donc, il dit la solution, c'est nécessairement qu'il faut penser les projets en fonction de l'agilité. Donc, l'idée de pouvoir avoir un projet qui est en mesure de s'adapter, d'intégrer les nouvelles technologies, d'intégrer les nouvelles données et d'être constamment, dans le fond, en phase d'aller et de retour pour pas être limité, si on peut dire, à une technologie à proprement parler. Mm-hmm. Parce que eux, je pense, quand ils avaient lancé au départ, en fait, des applications mobiles, on parlait pas encore de tablettes, il y avait des réflexions qui s'étaient faites. Éventuellement, la tablette est arrivée, mais quand eux ont commencé le projet en 2010, la tablette n'était pas imposée comme le nouveau médium. Il y avait encore des développements, donc déjà, bon, on prend une chance, évidemment, on prend le risque, on se lance, comme on disait dans l'autre conférence. Mm-hmm. Mais une fois qu'on est lancé, ben, il faut être en mesure de voir un peu, attirer le maximum du médium et des évolutions qui vont être faites en cours de médium aussi. Alors ça, c'est pas nécessairement donné à tout le monde non plus, évidemment. Là. Lui disait, Jean-Marc De Jong, que la façon dont il avait réussi à faire ça, c'était de repenser l'organisation de ses équipes de travail. Dans la mesure où souvent, c'est simplifié de manière quand même assez drastique, là, mais il y a des gens qui travaillent un peu plus sur le développement de l'outil, et il y en a d'autres qui travaillent sur le design de l'outil, donc comment l'outil va s'organiser et le reste. Et souvent, on part en fait des design qui viennent être limités par les possibilités techniques ou l'inverse, en fait. Donc, c'est pas nécessairement... C'est peut-être un peu plus une évolution en silo. Et donc, lui disait, ben non, l'idée, c'est vraiment de travailler, en fait, de se dire, OK, quel outil on veut maintenant, quels moyens on peut mettre en place pour l'avoir, comment on peut les développer, et jamais perdre en tête le produit de départ, d'une certaine façon, et toujours avoir des gens de design qui travaillent avec les informaticiens et vice-versa dans le développement pour assurer une meilleure communication entre les deux équipes de travail et ne pas donc séparer les équipes au contraire, là, vraiment. Mm-hmm. Et dans le fond, selon lui, et évidemment selon la réception aussi que ça a eu, ben ça a été un pari qui a été quand même assez favorable pour son entreprise. Mais oui, de toujours être dans l'air du temps, comme tu dis, sans jamais avoir un train de retard non plus, c'est un grand défi pour les entreprises, dans les entreprises et même dans les médias qui semblent être plus proches de ça, mais pour autant, comme tu le disais, ça comprend de nombreux enjeux. Il y a aussi beaucoup de changements qui ont été amorcés par la ville de Québec et des principes qui sont revenus, c'est celui d'être ouvert à ces changements. Oui, en fait, c'est un peu dans l'esprit, dans le fond, de ce qui était présenté à la Presse Plus. Il y a eu une autre conférence avec Dominique Savard et Martin Caron de la Ville de Québec qui sont venus parler un peu de leur application Copilote, donc une application pour les stationnements dans la Ville de Québec. Et eux disent, ben, regardez, nous, ce qu'on a fait comme institution, au bout de compte, dans cette application-là, c'est de faire quelque chose qu'on n'était pas habitué de faire. Donc, d'essayer plutôt d'avoir une logique d'innovation ouverte. Donc, d'être en mesure de faire appel à des ressources externes à l'organisation pour soit engager des idées, soit tester des idées, soit développer des idées. C'est une application qui avait pris naissance dans des événements de type hackathon ou Iron Web, donc des espèces de compétitions où des créateurs informatiques sont invités en équipe à travailler sur des bases de données rendues disponibles ou des bases de données ouvertes carrément et qui développent donc des outils, des propositions. Et il y avait eu un premier, à quelques occasions dans ces moments-là, il y avait des gens qui développaient des pilotes justement autour des questions de stationnement. Donc éventuellement, ils sont associés à une de ces équipes-là pour développer le projet de manière collaborative presque et tranquillement mais permettre au projet d'évoluer, mais en ayant toujours en tête que, dans le fond, la bonne idée n'est pas nécessairement dans l'organisation, donc d'être à l'écoute de ce qui se fait un peu à l'externe, et on nous a présenté ça vraiment comme un cas d'exemple où on a réussi à optimiser les efforts de développement, à améliorer les façons de faire par justement ce qu'on présente dans une perspective institutionnelle comme une approche qui est novatrice et peut-être une approche qui pourrait éventuellement aussi amener d'autres projets développer de manière collaborative comme cela. Et on parle notamment de l'application Copilote, hein, qui permet de recharger son stationnement, de payer son parcomètre, il me semble, c'est ça, et de trouver des stationnements libres dans la ville. Ça fait partie des applications les plus en vogue du moment. Oui, vraiment, c'est très populaire. Ils nous ont donné quelques statistiques et on voit vraiment, je pense au premier mois, il y avait à peu près 10 000 téléchargements. Ensuite, on est passé à 22 000 quelques temps plus tard, donc vraiment une grosse augmentation rapide. Et évidemment, c'est une chose entre les téléchargements, c'est une chose entre les utilisations. Et ce qu'ils ont remarqué, c'est que parce que justement, il faut que tu payes, donc ils voient les transactions qui passent. Mm-hmm. Et les transactions, elles aussi, là, depuis le lancement, sont vraiment en hausse. On parle de 5 000 utilisateurs dans la première semaine, là, ils en sont à 26 000 actuellement. Donc, pour eux, c'est la preuve aussi que ce qu'ils ont réussi à faire répond à un besoin. Et en mm-hmm. même temps, ce qui est intéressant aussi, c'est qu'on nous a dit que cette application-là n'est pas une finalité non plus, dans la mesure où ça a aussi une plateforme dans laquelle d'autres fonctionnalités pourraient éventuellement être intégrées. Alors, plein de développement encore à suivre, hein, c'est un sujet inépuisable là-dessus. Tu vas couvrir une autre conférence prochainement, il me semble, Raymond? Oui, enfin, on va parler de santé la semaine prochaine avec Journée de l'Alliance Santé Québec. Hein, on verra, ça nous permettra de reviser un peu sur les liens, les ponts à faire entre les domaines de la santé et celui des technologies. Merci beaucoup Raymond Poirier pour cette chronique technologie de l'information. On se retrouve évidemment donc lundi prochain pour ce nouveau sujet. Bon après-midi à toi. Merci. Bonne soirée maintenant.